Raiders qu'il entre, la nuit s'enflamme, deux voix s'élèvent, désir et flamme, chaque souffle court, chaque note caresse, la foule succombe, brûlante tendresse. Chaque mot frappe, précis et brut, chaque souffle glisse, le temps s'ajuste. Riders qu'il charme, s'avancent, la foule s'élève, la passion règne. Chaque note brûle, chaque mot attire, nos voix s'unissent, prêtes à séduire. La nuit respire, nos désirs cachés, chaque mot court devient vérité. Près de ce qu'il part, son souffle enlace, la foule rugit, l'émotion embrasse. Chaque phrase brève, chaque souffle court, nos voix s'entrelèvent, brûlant d'amour. Feel the fire, feel the flame. Rider's girl whispers your name. Through the dark, hearts ignite. We rise together in the night. Chaque mot glisse, une caresse sonore. Chaque souffle court, un désir qui dévore. Riders qu'il charme, son nom s'élève. La foule s'embrasse, l'instant s'élève. Tes paroles m'embrassent, ton nom m'attire. Chaque cri résonne. La chaleur monte, mes mots s'enflamment, chaque vibration nourrit la flamme. Riders qu'il brûle, ses murmures m'enchaînent, la foule rugit, la passion nous entraîne. Chaque mot court, chaque souffle précis, nos voix s'unissent, désir infini. Chaque note frappe, chaque seconde enivrant. Riders qu'il charme, son nom résonne. La foule succombe, chaque cri tonne. Chaque mot court, chaque phrase attire. Chaque souffle rock devient désir. Riders qu'il parle, sa voix enlace. La foule répond. Tes mots me guident, mes lèvres s'inclinent, chaque son m'embrase, chaque cri s'illumine. Chaque mot est fier. Feel the fire, feel the flame. Riders kill, whispers your name. Through La nuit s'éteint, nos voix persistent. Chaque souffle court, chaque cri existe. Riders qu'il charme, son nom s'élève. La foule succombe, l'extase s'achève.